continent. Dans un bled de 10 millions d'habitants, noirs dépendants jusqu'en 60. Un peuple, un but, une foi. À chaque rugissement, je représente Wolof, Serrer, Jola. Sonic et Mandingue, Poulard tout couleur, c'est tout pour l'heure. Bien que pas les seuls à en avoir vu de toutes les douleurs. On n'a pas voulu ces frontières, alors tant pis. Nos terres s'étendent du fleuve Sénégal au fleuve Gambie. Parce qu'un jour un homme blanc prit un gouvernail. Et très vite est venu le temps des gouverneurs, des canailles venus d'ailleurs pour nous fermer nos propres portes. Du sang a coulé sous les ponts depuis la traite de ma cohorte. Mais peu importe, je n'oublie pas. Un constat reste un constat, sans le passé, le présent ne compte pas. La mort mais pas la honte fut le combat. Alors des hommes tels que la Giorgio résistèrent enfin. Ils sont nos Vercingétorix devant les Romains. Et voilà, voilà nos richesses changées en CFA. Dévaluées comme notre amour pour l'Occident. La dèche nous fait quitter nos terres d'argile pour leurs terres d'argent. Et c'est rageant. Le revenu de nos parents est aussi faible que le taux de scolarisation. J'y suis passé, c'est avec le fouet qu'on apprend les leçons. Alors j'y ai appris, aussi vrai que j'ai eu mal. Sans doute l'un des traits de l'héritage colonial qui a bien pu découper mon Sénégal en communes, régions ou départements. Et 50 ans plus tard, ils veulent tous vivre en appartement. L'Occident nous a bousillés comme ils bousillent tout ce qu'ils touchent. Mais Arabes et Bantous n'étaient pas sur le banc. Touche tous, nous, pour chasser entre nous, pour le blé ou éviter la foudre de ceux d'ailleurs. Et si nous étions des animaux de la même espèce, c'était nos prédateurs. Dépouillés avec pour alibi un dieu compris, mais qu'on appelle différemment. J'ai grandi et compris que finalement, nègre est un compliment. Fier de ma mélanine, mes origines, mes racines, mon vert, jaune, rouge, mon étoile ouverte sur les 5 continents, comme sur les 5 piliers de l'islam, unis comme les 5 doigts de la main, courbés côte à côte derrière l'imam. Chez moi même amputé d'une jambe, on se met à genoux. Prier Allah nous aide à tenir debout. On en appelle au mysticisme, à raison ou à tort, au marabout de père en fils pour conjurer le sort. C'est pas au pape fort. À l'espérance de vie, aujourd'hui trop court. Le fusil à l'épaule, naguère nos pères comme si c'était leur guerre. Placés en première ligne, la mort mais pas la honte. Mourir pour d'autres et rester digne. Rien qu'en parler m'assassine. Frérot je saigne, est-ce un signe? Le manque fut le seul dédommagement au non-manquement. Bien qu'on essaie de manger à sa faim. Je dis bien on est ses frangins et pour être franc, on s'habitue à tout même si on se plaint. De la chaleur caniculaire aux meutes de bambins qui manquent de pain. J'ai fait partie de ces maisons remplies par de très grandes familles. Pas moins de 10, ça va de l'arrière-petit-fils au chef dont les poches s'amoindrissent. Le sage peut plus nourrir tout ce monde qui veut plus dégager. Demande de l'aide au beau-fils, lui-même veut plus dégager. Alors pour subvenir les jeunes pères, arrête de présager. Espère traverser, partir en mission. Élargir leur champ de vision. Chez nous la débrouille est un passage obligé, comme la circoncision. Et petit, on se suffit de peu. Attache un scarabée à un fil, fait rouler un pneu. Avec ce qu'on trouve, fabrique des tam-tams. Pour pouvoir en jouer devant les omés pendant la fête du ramdam. Des capsules de bouteilles, une bille et de nos baby-foot. Le lait à la menthe boue, mes boys vas-y shoot. Si on échoue dans un acte voyou, c'est la mêle de pneus, sandales, martinet et tout le tout-team. Et ça doit être pour ça qu'on bouge si bien sur le rythme. Et parce que c'est 12 enfants autour d'un bol quand t'as du bol. Des fois tu peux voir une émeute pour punir un vol. Si on crie ça, tu peux finir à poil. Roué de coups, escorté sur les genoux jusqu'au poste. Et là-bas la police ne plaque pas, man. Elle te tape à mal, te passe à tabac en te faisant chanter du baba mal. Et les fillettes, trop tôt veulent des maisons. Et les tatas perdent la raison car trop de tontons ont des liaisons. Extra-conjugales. La fidélité se marie mal avec la dalle. Et sur les plages, y'a des petites avec de vieux visages pâles. Ou des investisseurs véreux qui viennent et qui s'installent. Merci d'essayer de relever notre économie. Merci de réinjecter les fonds que tu nous as pris. Merci. Y'a plus d'emploi, tellement de dettes. Les jeunes là-bas savent même plus où donner de la tête. Attendent juste le prochain bal pour cogner la fête. Et des fois une détonation pète, t'es étonné peut-être. Maintenant là-bas c'est les States, mais les mailles en moins. Les immigrants ramènent quelques affaires et puis point. Moi ici frangin, croise les bleus, noir comme Malikous et King. Détenteur des papiers sans meeting, manif ou sitting. Et malgré ce que m'a fait subir la France d'être là, est-ce une chance? Oui je pense. Car petit, je suis arrivé dans ces rues pleines de fric, où les enfants ont des vélos et leurs trousses sont pleines de billes. grâce à deux femmes sénégalaises dont le courage n'a d'égal que la bonté. Ma mère et la sienne, gravées à jamais dans mon cœur d'ébène. Pour elle et pour moi, je dois réussir quoi qu'il advienne. HLM4, Dakar, Sénégal, c'est pour les lions. Pour vous, Achat, Rugy, une fois de plus. César, enfant d'Afrique. Mali, Sénégal, enfant d'Afrique. Mon bled, c'est le tiers-monde sous-développé, sans genre. Mais ramène du fric, qu'on s'y amuse comme nulle part. Ok, ouais. J'suis du Mali, capitale de l'hospitalité. Teste avec nous si tu veux te faire hospitaliser. Terre de passage des peuples du Nord et ceux de l'Ouest, à 4000 km de la France et de toutes ses tests. L'histoire de l'empire mandingue me rend dingue, et les femmes voilées sur le fleuve du Niger me rendent dingue. On défend le terrain comme Sunjata, les mines d'or et la djellaba sur Tandjé Naba. Grande superficie, plus d'un million de kilomètres carrés. J'suis paré, préparé, il faut une meuf du bled pour mètre carré. Les Bambara, les Malinké et les Kassonké. Les Bozo, les Somono, moi-même Sarah Collé. Les Dogons, les Morts et les Peuls. Les Touaregs, les Bella, les Sonrail et les Zélofo. J'kiffe trop le lâche vie, parce que c'est là que j'vis, c'est là que j'prie. Et surtout c'est là que j'vois la famille au grand complet. Moi-même en grand complet, pas un cousin sur ma belle peau, pas année. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Les cousins sont chauds, j'suis venu combattre la misère des pays chauds. Le progrès c'est la balave sur la bas-palabre. De la télé jusqu'au passage de l'électricité. C'est plus cité, mes carrés de Bolibana. Des coins aussi dangereux que Rio et ses favelas. Une balade sur le fleuve Niger en pirogue. Sur le paysage, le sable rouge se dérobe. 13 castes et des familles polygames. Dans une grande cour avec beaucoup de monkey dames. Y'a les grandes réunions pour les Western Union. Tu reçois toujours un fax qui te demande d'envoyer le pognon. La vie c'est dur là-bas, nique les clichés de carte postale. Tu comprendras si un jour tu t'y installes. Le teint noir, la balafre on sur les tempes. Faut les liasses pour les oncles et puis les tissus pour les tempes. J'suis du pays de Sunjata, Keita, donc on ne m'attend pas. Rappelle-toi de Koukouba et Batamba. Un poème noir pour mes incoincés au bled. Quand je me place sur le beat pour Bamako et Dakar, j'bled. Ils sont pleins là-bas à fumer le tabac dans du papier filtre. Arrivé en France, pour les papiers on les filtre. Toujours les mêmes têtes à la préfecture. Des familles de gosses immatures qui dans le salon apprennent la lecture. Une grosse torture mentale, on est ici, eux sont là-bas. Ici on pille tout, l'âge de changer Tabata. Mentalité paysanne dans la tête du daron. Mon fils pardon, t'es pas venu pour jouer le baron. Des parents comptent, on se rend pas compte que c'est la merde. Dans nos bleds, on se la raconte en se disant que la France est dead. Une fois de plus, un peuple, un but, une fois. Plusieurs dialectes, on se rassemble tous autour d'une voix. Une foi, une religion, un dieu unique. Tu l'apprends à la madrassa, c'est l'école coranique. La vie a fait de nous des hommes. La France nous a mis à l'esprit qu'il faut qu'on fasse des sommes. Les mariages coutumiers, les grands couturiers. En Afrique, les obstacles se font toujours contourner. Un pays formé sous forme de caste. Les garanqués, les noumous, les gens, on est tous sous les masques. Les instruments, les dounous, les tamanis. On regorge de fierté, demande à Almami ou Toumani. Enfant du Sahel, enfant du soleil. En conflit perpétuel comme Palestine et Israël. Tout pour la bénédiction des anciens. Ici y'a pas de médecin, on est tous élevés au lait du saint. Indépendant, laisse-nous prendre nos décisions. Même si le pays est tristement connu pour ses excisions. Je chante aveuglé comme Amadou et Mariam. Beaucoup de sacrifices pendant les fêtes et les jours de mariage. Les jours où ça va pas, on fait une sadaka. Et on demande de l'aide à la plus grande force de l'au-delà. Très pieux, très croyant, y'a beaucoup de mosquées. Pur soninké, pour un rien, tu peux te faire boxer. Sans deux mesures pour mon bled, je crois que c'est pas assez. Et c'est pas ce foutu rap qui va les empêcher de chienasser. Indépendant depuis 60. Et en faisant ce putain de rap, c'est pas la poudre que j'invente. J'attends un procès pour nos richesses perdues. Comme un grand griot, je chante la vie et la vertu. En France, je ne suis qu'un simple employé. Je vois la vie d'un œil sombre comme mon zinc du foyer. Je suis de Gadjaga, la région soninké de Kai. La vie est vraiment dure là-bas, c'est pas juste pour le style. La douleur, un sentiment que je ressens trop souvent. J'ai mal au cœur depuis plus de 100 ans. Ce sourire sur mon visage n'est que fictif. Quand je pense à l'esclavage, son commerce et toutes ses victimes. Les coups de fouet et la cale, ça me fait mal. Le sang, la sueur et les larmes, ça me fait mal. Mali, Olibana, trésor enfant d'Afrique. Ok, yeah.